Question numéro 8. Quelles sont les conditions de l'attestation « La ilaha illallah » ما هي شروط شهادة أن لا إله إلا الله؟